Hey there, you are listening to a feed from cchits.net, and this is the Daily Exposure Show for 16th February 2019. Today you can hear a track by Mocha called Mousa. Mousa, Mousa, où est Mousa? Mousa, Mousa, où est Mousa? Mousa, Mousa, où est Mousa? Moussa Moussa où est Moussa? Moussa Moussa où est Moussa? Moussa Moussa où est Moussa? Personne ne sait où est Moussa. Il était pas à gauche, il était pas à droite, il est pas en tout temps. Je l'aurais trouvé. Il était pas à gauche, il était pas à droite, il est pas en tout temps. Je l'aurais trouvé. Ah bon? Je l'aurais trouvé. Quoi? Je l'aurais trouvé, c'est ça. Je l'aurais trouvé, voilà pas. Je l'ai tellement cherché, cherché que je suis maintenant trop fatigué. À ton tour, à ton tour, à ton tour, me reposer, c'est ça. Fatigué de chercher, tant pis, ça va aller. Pas temps d'en profiter, tant pis, ça va aller. Je peux pas le retenir, il arrête pas de cavaler. À coller la petite pour lui, ça va parler. Moussa, où est Moussa? Moussa, Moussa, où est Moussa? Moussa, Moussa, où est Moussa? Personne ne sait où est Moussa. Moussa, Moussa, où est Moussa? Moussa, Moussa, où est Moussa? Moussa, Moussa, où est Moussa? That was Mousa by Mocha. It was a Creative Commons by attribution, no derivatives licensed track. Every track we play is selected by a listener like you. To find out more, please visit cchits.net/FAQ. If you liked today's track, you can vote for it at cchits.net/daily/2019-0216. These votes decide whether this track will be on the weekly show and eventually if it will make it into the chart. Both of these can be found by visiting cchits.net. The theme is an excerpt from GMZ by Scott Altim. For details, please visit cchits.net/theme.